Chapitre 14. Il y avait un peu plus de 2 heures que je goûtais les douceurs d'un repos bien nécessaire, quand je fus réveillé par cet horrible cri « Au feu !» Je me lève, je me frotte les yeux. C'était moi qui brûlais, c'était Justine qui criait de toutes ses forces. Lui ordonner de se taire, étouffer dans mes mains cruellement chauffées le feu qui a déjà consumé la moitié du pan gauche de mon habit, rejeter dans la cheminée le tison enflammé, qui, ayant roulé jusqu'à la paillasse, y avait mis le feu aussi bien qu'au matelas, saisir près de la toilette de Justine un grand seau de faïence qui heureusement se trouva plein d'eau, imbiber du fluide presque glacé la paillasse et le matelas, d'un coup de main arracher la couverture et les draps de Justine, jeter le lit de plumes d'un côté, le second matelas de l'autre, renverser le bois de lit d'un coup de pied, ce fut l'affaire d'un moment. Je fis tout cela plus vite qu'on ne le lira. Cependant, plusieurs personnes, attirées par les cris de Justine, accouraient à sa chambre. On lui crie d'ouvrir sa porte. Peu s'en faut que je ne perde la tête, en reconnaissant la voix de ma belle maîtresse et celle de son sot époux. Où me cacher? Il n'y a point de lit, il n'y a point d'armoire. Je ne vois que la cheminée, je m'y fourre. Justine approche une chaise pour m'aider à y monter. « Mais ouvrez donc, Justine !» s'écrie le marquis. Justine, en tenant la chaise, répond que le feu est éteint. « N'importe, ouvrez !» réplique la marquise, « ou je vais faire jeter la porte en dedans. »« Encore faut-il que je m'habille, » dit Justine, en tenant toujours la chaise. « Vous vous habillerez demain !» répond son maître furieux. Tous les domestiques sont accourus. On leur ordonne d'enfoncer la porte. À l'instant même, je m'élance et je me cramponne. Justine retire la chaise. Elle court à la porte, elle ouvre, on entre. La chambre se remplit de gens qui, tous à la fois, interrogent, répondent, commentent, s'effraient, se rassurent, se félicitent et ne s'entendent pas. Parmi tant de voix confondues, se distingue aisément la voix grêle du marquis. « Cette impertinente qui met le feu à mon hôtel, qui nous fait de ces peurs-là, qui trouble mon sommeil et celui de sa maîtresse. » La marquise, pendant que son mari gronde, fait jeter par la fenêtre la paillasse et le matelas qui avaient fait tout le mal. Elle visite la chambre et voit qu'il n'y a plus de danger. « Que chacun sortir, » dit-elle. Les hommes obéissent d'abord. Quelques femmes, plus curieuses peut-être que zélées, offrent leur service à ma belle maîtresse, qui leur ordonne une seconde fois de se retirer. « Comment avez-vous mis le feu ici ?» crie le marquis, toujours en colère. « Allons, Justine, » interrompit la marquise. « Apprenez-nous par quel accident. Madame, je lisais. Une belle heure pour lire, » s'écria le marquis. « Ne faut-il pas avoir perdu la tête ?»« Madame, » reprit Justice, « je me suis endormie, la lumière que je n'avais pas éteinte et qui était près du matelas. »« Y a mis le feu, » interrompit le marquis. « Le grand miracle. Et que lisiez-vous donc de si beau la nuit, mademoiselle ?»« Monsieur, » répliqua la maligne suivante, « c'est un livre qui s'appelle « Le physionomiste complet ». Le marquis s'apaisa tout à coup et se mit à rire. « C'est le physionomiste parfait qu'elle veut dire. »« Oui, monsieur, oui, le physionomiste parfait. »« Eh bien, Justine, n'est-il pas vrai que ce livre-là est amusant ?»« Oui, monsieur, bien amusant, c'est pour cela. »« Et ce livre, où est-il ?» demanda la marquise. Après quelques instants de silence, Justine répondit. « Je ne le trouve pas. Il est apparemment brûlé. »« Comment, brûlé ?» s'écrie le marquis. « Mon livre est brûlé. Vous avez brûlé mon livre ?» « Eh bien, monsieur, » répliqua vivement la marquise, « si ce livre est brûlé, s'il ne s'en trouve pas d'autre, vous vous en passerez, je ne vois pas grand mal à cela. »« En vérité, madame, l'ignorance, tenez, je m'en vais, car je vous dirai, et vous, mademoiselle, je vous le répète, vous êtes une sotte, une étourdie, une folle, et il y a longtemps que je l'ai vue dans votre physionomie. » Il s'en alla. Posé en travers dans une cheminée étroite et sale, forcé d'appuyer la tête et les épaules d'un côté, de raidir les jambes de l'autre, et pour plus grande sûreté de tenir les bras écartés, je me trouvais dans la plus incommode des situations. Je commençais à me fatiguer beaucoup. Cependant, il fallait prendre patience, il fallait savoir comment tout cela finirait. Je recueillis mes forces et je prêtai l'oreille. La marquise commença. Le voilà parti, c'est ce que je voulais. Nous sommes seuls. « J'espère, mademoiselle, que vous voudrez bien m'expliquer votre chute d'hier au soir, le bruit que j'entends chez vous depuis plus de 2 heures. Et comme vous sentez que je ne crois pas à cette petite histoire de livre brûlé, Je me flatte que vous daignerez m'apprendre aussi par quel accident le feu vient de prendre ici. Madame. Justine, vous allez mentir. Madame, je lisais, comme je vous l'ai dit. Vous mentez, mademoiselle. Le livre dont vous parliez tout à l'heure est dans mon cabinet. Eh bien, madame, je travaillais, je cousais. Mais vous toussez, madame, vous vous enrhumez. Oui, je m'enrhume, cela est vrai. Je vois que je ne pourrai pas savoir la vérité ce soir. Je vous laisse, mademoiselle. Demain, je serai sans doute plus heureuse, ou bien... Elle revint sur ses pas. Il faut, de peur d'un nouvel accident, éteindre cela tout à fait, dit-elle. Elle prit en même temps le pot à l'eau qui se trouva sous sa main et le vida sur les trois ou quatre tisons qui se consumaient dans les coins de la cheminée. Aussitôt s'éleva une épaisse fumée qui, entrant à la fois par ma bouche, mon nez et mes yeux, faillit m'étouffer. Mes forces m'abandonnèrent, je tombai sur mes pieds. La marquise recula d'effroi. Je sortis promptement de la cheminée. La terreur fit place à l'étonnement. Nous nous regardions tous trois en silence. « Mademoiselle, dit enfin la marquise à Justine en la fixant d'un œil courroucé, il n'y avait personne chez vous. » Et puis m'adressant un doux reproche, « Faublas, Faublas !» Justine se jeta aux genoux de sa maîtresse. « Madame, je vous assure. »« Quoi, mademoiselle, vous osez encore ?» Pendant que la pauvre Justine tâchait de fléchir et de persuader la marquise, je considérais avec attention la simple parure de celle-ci. Un seul jupon mal attaché couvrait négligemment des charmes que mon imagination aurait devinés, que mes yeux avaient vus, que ma mémoire me rappelait. De longs cheveux noirs épars couvraient ses épaules d'albâtre et retombaient mollement sur sa gorge entièrement découverte. Que ma maîtresse était belle. J'oubliais la supposition de grossesse et saisissant une main que je baisais. Ma chère maman, les apparences sont souvent trompeuses. Ah, Faublas, à qui m'avez-vous sacrifié? À personne. Un mot d'explication et ma justification ne sera pas difficile. Justine voulut m'appuyer de son témoignage. Vous êtes bien audacieuse, lui dit sa maîtresse. Oui, vous avez raison, bien audacieuse, cria le marquis de B, qui, lassé d'attendre sa femme, la venait chercher. La marquise souffla la lumière, me donna un baiser sur le front et me dit tout bas. Faublas, un peu de patience, je reviendrai dans un instant. Elle élève la voix et s'adresse à Justine. « Mademoiselle, sortez, venez avec moi. » Justine, qui connaît les êtres, ne fait qu'un saut. La marquise sort, repousse son mari qu'elle est entrée, tire la porte, la ferme à double tour, retire la clé, et me voilà encore une fois en prison. Pour cette fois, mon esclavage me parut supportable. Un doux espoir au moins m'était permis. Cette consolante idée ranima mon courage. Je pris une chaise que j'adossai contre la porte, et comme un chasseur à l'affût, j'attendis ma proie. Bientôt j'entendis du bruit dans l'appartement des époux. On parlait vite, on parlait haut, on disputait avec aigreur. Je jugeai que la marquise, ne pouvant se débarrasser de son mari, avait pris le parti de le quereller, et je ne doutais pas qu'elle ne réussît bientôt à l'impatienter assez pour l'obliger à quitter la place. Il en arriva tout autrement. Après d'assez longs débats, la marquise accourut de sa chambre à la mienne. « Voilà bien, disait-elle avec feu, la scène la plus scandaleuse. Ne me suivez pas, monsieur. Gardez-vous de me suivre. » Elle était déjà au bout du corridor, tout près de ma prison. Je ne sais si elle s'accrocha quelque part, mais le pied lui manqua, et elle tomba si rudement que la clé de ma chambre, s'étant échappée de sa main, vint rebondir contre ma porte. Mon amante infortunée jeta un cri terrible. Son mari, qui la suivait de près, la releva. Plusieurs femmes accoururent. On la ramena chez elle. Un moment après, le marquis s'écria. « Elle est blessée. Que mes gens se lèvent. Que le Suisse ouvre les portes. Qu'on amène le premier chirurgien. » Oh, comme mon cœur palpita dans ce triste moment. Que le malheur de la marquise me causa d'inquiétude. Qu'alors il me parut douloureux d'être ainsi renfermé, de ne pouvoir apprendre si sa blessure était dangereuse, si ses jours n'étaient pas menacés. Mon impatience s'accrut par mes réflexions. Au milieu des embarras qu'un pareil accident allait causer, dans des moments de trouble et d'agitation, Justine pourrait-elle quitter sa maîtresse? Songerait-elle à me délivrer? Le temps était précieux, le jour commençait à paraître. Si je parvenais à m'échapper, si je pouvais rentrer chez moi, Jasmin, le premier venu que j'enverrais à l'hôtel du marquis, me rapporterait des nouvelles de sa femme. Il fallait donc tenter tous les moyens possibles de me procurer ma liberté. Le bruit de la porte cochère qu'on ouvrit avec fracas, m'annonçant qu'un des plus grands obstacles était levé, me donna l'espérance de pouvoir surmonter ceux qui me restaient. J'essayai d'abord, mais inutilement, de tirer à moi, par-dessous la porte, la clé restée dans le corridor. Je voulus ensuite démonter la serrure en détachant les vis qui la fixaient, mais elles étaient rivées au dehors. J'examinai la serrure avec attention, je tâchai de l'ouvrir avec mon couteau, quand la jeunesse, dont je reconnus la voix, me dit tout bas « C'est toi, Justine ? Je te croyais, j'ai ta maîtresse, ouvre-moi donc !» L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Je prends mon parti sur le champ, et résolu de donner quelque chose au hasard, je déguise ma voix en la diminuant. Je contrefais de mon mieux celle de Justine, et glissant pour ainsi dire les mots à travers la serrure, je réponds « C'est toi, la jeunesse ? Dis-moi donc comment va ma maîtresse ?»« Ta maîtresse va bien, la peau est à peine écorchée. Monsieur vient de nous dire que le chirurgien a dit que ce n'était rien. Mais comment ne sais-tu pas cela, toi ? Ouvre-moi donc !»« Je ne puis pas, mon bon ami, madame m'a enfermé. »« Bon, oui, tiens, la clé est par terre dans le corridor, cherche. » La jeunesse regarde et trouve la clé. Il ouvre la porte et me regarde. « Ah mon Dieu, c'est le diable !» dit-il. Je tente le passage, il m'adresse un coup de poing, je pars et je riposte. Le coup est si prompt, si heureux, que le coquin tombe à la renverse avec une balafre sur l'œil. Je saute par-dessus lui, je me précipite sur l'escalier. Mon ennemi se relève et me poursuit. Plus agile que lui parce que je ne suis pas éclopé, parce qu'un motif plus pressant m'anime, je traverse rapidement la cour et déjà j'ai franchi le seuil de la porte cochère quand la jeunesse, d'autant plus furieux qu'il désespère de m'atteindre, s'avise de crier de toutes ses forces « Arrête, au voleur !» Je vais enfiler une rue de traverse. La peur me donnait des ailes. La jeunesse, suivie de quelques autres domestiques, criait encore. Mais tous étaient loin derrière moi. Je me croyais sauvé lorsqu'au détour d'une rue, je tombais dans une patrouille de la garde de Paris. Le sergent m'arrête sur ma mine. En effet, il était impossible d'en présenter une plus étrange. Tant de soins m'avaient occupé sur la fin de cette nuit, qu'alors seulement je m'aperçus du grotesque équipage dans lequel je courais les rues. Une partie de mon habit brûlé, l'autre bariolée de suie, toute ma personne barbouillée de fumée, et enfin ma tête enterrée dans un bonnet de nuit de Justine, je ne m'étonnais plus qu'en me voyant, la jeunesse eût dit « c'est le diable ». Malgré la surprise que me causait à moi-même ce costume rembruni, j'assurai au sergent que j'étais un honnête homme. Il paraissait peu disposé à m'en croire sur ma parole, et d'ailleurs la jeunesse arriva sur ses entrefaites avec sa séquelle essoufflée. Tous les valets m'environnèrent et crièrent à tue-tête aux soldats qui me serraient « Arrêtez-le, c'est un coquin, c'est un voleur, amenez-le à l'hôtel !» Je demandai qu'on me conduisît chez le commissaire du quartier. Ma requête fut trouvée si juste qu'on m'y conduisit sur le champ. Le commissaire attendait un scellé. Quand il sut qu'il ne s'agissait que de recevoir une plainte, il parut mécontent d'avoir été réveillé si matin. « Mon ami, me dit-il, qui êtes-vous ? Monsieur, je suis le chevalier de Faublas, votre très respectueux serviteur. »« Ah, pardon, monsieur, où logez-vous ? Chez mon père, le baron de Faublas, rue de l'Université. »« Que faites-vous ? Pas grand-chose, comme tant de jeunes gens de famille. D'où sortez-vous ? « Dispensez-moi de répondre à cette question-là. »« Je ne le puis. D'où sortez-vous ? D'une cheminée. »« Monsieur, voilà de mauvaises plaisanteries que vous pourriez payer fort cher. »« Non, monsieur, ce sont des vérités que mon habit prouve. Regardez. Où alliez-vous ? Me coucher. »« Belle réponse. Où est le plaignant ?» La jeunesse se montra. « Mon ami, comment vous nommez-vous ? » Je répondis pour lui. « La jeunesse. »« Monsieur, de grâce !» me dit l'homme de loi. « Je parle à ce garçon. » À la jeunesse. « Où logez-vous, mon ami ?»« Dans le cœur d'une des femmes de madame la marquise, » répliquai-je aussitôt. « Monsieur, ce n'est pas vous que j'interroge. » À la jeunesse. « Que faites-vous, mon ami ?» Il caresse les demoiselles dans les carrosses. Le commissaire frappa du pied. La jeunesse regarda d'un air interdit. Le pauvre garçon, troublé, ne savait plus que répondre aux questions dont l'accablait notre juge bourgeois. Il déposa cependant qu'il m'avait trouvé enfermé chez mademoiselle Justine, dans une chambre de l'hôtel du marquis de B, que je forçais une serrure et qu'en sortant je l'avais apostrophé, lui, plaignant, d'un coup de poignet sur l'œil. L'homme de loi, qui voyait dans tout cela des choses très graves, me pria de m'asseoir un moment. Il parla bas à son clerc. Quelques minutes après, je vis arriver le marquis de B. Le marquis, élevant la voix en entrant, « On vient de m'avertir qu'un voleur... »« Ah, c'est monsieur du portail !» Le commissaire, « Monsieur du portail, ce n'est pas là le nom que monsieur nous a fait écrire. » Le marquis, riant, « Pardon, monsieur du portail, mais je vous vois dans un état... comment... pourquoi ?» Faublas, se penchant à l'oreille du marquis, « Il m'est arrivé l'aventure la plus plaisante. Je vous conterai cela, mais ce n'est pas là le moment. » Le marquis, le regardant beaucoup, « Oui, oui, mais comment diable arrive-t-il que vous vous trouviez chez moi dans cet équipage ?» Le commissaire, « Monsieur le marquis, je vais vous lire la déposition. » Faublas, « Inutile. » Bas, au marquis, « Je vous conterai tout cela. » Le marquis, le regardant d'un air incertain, « Oui, oui, mais voyons la déposition. » Le commissaire allait la lire. J'attirai le marquis dans un coin de l'étude et affectant de lui parler bas. « Tirez-moi d'ici promptement, lui dis-je. Vous savez comme mon père me gêne, s'il apprenait jamais, si le commissaire s'avisait de l'envoyer chercher. » Le marquis, haut. « Il est donc enfin revenu de Russie, monsieur votre père ?» Faublas, « Oui. » Le marquis, « Parbleu, c'est un homme bien singulier. Il est introuvable, vous aussi. J'étais 20 fois à l'arsenal. » Le commissaire, « Mais monsieur ne demeure pas à l'arsenal. » Le marquis, « Monsieur du portail ne demeure pas à l'arsenal. » Le commissaire, « Monsieur ne se nomme pas du portail. » Le marquis, « Ne se nomme pas du portail. En voilà bien un d'autre. » Le commissaire, « Riez, monsieur, riez tant qu'il vous plaira. Mais monsieur nous a déclaré demeurer rue de l'université et s'appeler Faublas. » Le marquis, reculant tout étonné, « Hein? Quoi? Comment? Qui parle de Faublas ?» Faublas à l'oreille du marquis, « Chut, chut, j'ai donné ce nom-là, parce qu'il est fort désagréable de décliner le sien chez un commissaire. » Le marquis, « Je comprends. Comment se porte mademoiselle votre sœur, monsieur ?» Faublas, d'un ton triste, « Assez bien. » Le marquis, « Un jour que je vous rencontrai à l'opéra, vous me dites que vous ne connaissiez pas ce monsieur de Faublas. » Faublas, « Ah, c'est que vous me parliez du fils, qui est un mauvais sujet, mais le père, brave gentilhomme. » Le marquis, « Ah ça, dites-moi donc par quel hasard mes gens vous ont poursuivi. » Le commissaire, « Monsieur le marquis, écoutez la déposition, elle est sérieuse. » Le marquis, « Eh bien, voyons, lisez, j'écoute. » Faublas au marquis, « Monsieur, le temps passe. » Le marquis, « Ce ne sera pas bien long. » Faublas, « Mais je vous raconterai tout cela. » Le marquis, « Sans doute. » Mais voyons ce que mes gens ont déposé. Vous pouvez être tranquille, je sais bien que vous n'êtes pas un voleur. » Le commissaire lut la déposition tout entière. Le marquis fit rentrer la jeunesse, restée dans la cour avec les autres domestiques. La jeunesse confirma tout ce qu'il avait dit et entra dans de nouveaux détails bien propres à éclaircir les faits que je ne pouvais nier. Le marquis, « Monsieur était enfermé dans la chambre de Justine. Mais comment diable, j'y suis entré et je ne l'y ai pas vu. » Faublas, preuve que je n'y étais pas, monsieur le marquis. Le marquis, mais ma femme y est entrée aussi. Elle est même restée assez longtemps, monsieur. Elle ne vous a pas vu non plus, ma femme. Faublas, autre preuve que je n'y étais pas. Au commissaire, monsieur, vous voyez bien combien est vague l'accusation dont on me charge. Trouvez bon que je me retire. Le commissaire, non pas, monsieur, non pas. Sentinelle, barrez la porte. Faublas, quoi, monsieur, vous pourriez? Le commissaire, j'en suis bien fâché, monsieur, mais vous entrez dans un hôtel, on ne sait comment, ni par où. On vous trouve enfermé dans la chambre d'une demoiselle, cela n'est pas clair. Moi, je vois qu'on pourrait rendre plainte en séduction. Faublas, juge de paix, recevez les dépositions, écoutez les témoins, attendez les preuves, et toujours fidèle aux vœux de la loi, rejetez surtout les perfides probabilités. Ce que vous appelez une conjecture n'est jamais qu'une incertitude, surtout quand il y va de l'honneur, je ne dis pas d'un noble, mais d'un homme, quel qu'il soit. Le marquis, permettez, monsieur, où avez-vous connu Justine? Faublas, monsieur, je pourrais me dispenser de répondre à cela. Cependant, je veux bien vous donner une preuve de ma complaisance. J'ai connu Justine en même temps qu'une certaine femme du tour dont elle était l'amie et qui me servait ma sœur. le marquis, d'un air satisfait. « Oui. Qui servait, mademoiselle du portail ?»« Faublas. Oui, monsieur. » Le commissaire, avec humeur. « Si mademoiselle, votre sœur, se nomme du portail, vous vous nommez du portail aussi. Pourquoi faites-vous de fausses déclarations ?» Faublas. « Quoi ? Vous ne devinez pas ?»« J'ai connu Justine à cause de ma sœur. On m'a trouvé dans la chambre de Justine. Cette petite est si jolie. » Le marquis. « Ah, petit libertin, vous avez passé la nuit avec elle. » La marquise serait bien contente si elle savait que le frère d'une de ses bonnes amies vient de débaucher ses femmes. « Ah ça, mais quand le feu a pris chez Justine ?» Faublas. « Nous étions fatigués, nous dormions. » Le marquis, en riant. « Vous avez dû avoir une belle peur quand j'ai frappé à votre porte. » Faublas. « Vous n'en avez pas idée. » Le marquis. « Mais nous ne vous avons pas vu. Où diable étiez-vous caché ?» Faublas. « Dans la cheminée. » Le marquis. « Mais ma femme retournait dans la chambre de Justine, elle vous aurait vu. » Faublas. « Point du tout, je l'entendais venir, je regrimpais dans la cheminée. » Le marquis. « Et vous faisiez bien. » « Oh, ma femme ne peut souffrir chez elle le plus petit désordre. » « Ce n'est pas qu'elle soit moins indulgente qu'une autre, mais écoutez donc. Une femme honnête ne veut pas être compromise. Qu'on fasse tout ce qu'on voudra, pourvu que ce ne soit pas chez elle. Elle n'y trouve pas à redire. Et même, sur cet article... Elle pousse quelquefois l'indifférence trop loin. Quelquefois, elle excuse dans ses amis des faiblesses. « Monsieur, mademoiselle votre sœur est-elle encore à Soissons ?» Faublas, paraissant hésiter. « Oui, monsieur. » Le marquis. « Quoi, vraiment ? Toujours dans ce couvent ?» Faublas, jouant l'embarras. « Oui, monsieur, oui, pourquoi non ?» Le marquis. « Je vous demande cela, parce que quelqu'un m'a dit l'avoir rencontrée dans les environs de Paris. » Faublas. Dans les environs de Paris ? Ce quelqu'un-là s'est trompé, monsieur. Ce n'était sûrement pas ma sœur. Mais, monsieur le marquis, tout est fini, je pense. Allons-nous-en. Le commissaire. Monsieur, tout n'est pas fini, j'attends quelqu'un. Ce quelqu'un entra au moment même. C'était mon père. L'homme de loi lui dit. À qui ai-je l'honneur de parler, monsieur ? Le baron de Faublas. Monsieur, je suis le baron de Faublas. Le commissaire. « En ce cas, monsieur, j'ai mille excuses à vous faire. Je vous ai fait avertir parce que ce jeune homme, chargé d'une accusation assez grave, avait pris votre nom et se disait votre fils. Mais sa déclaration était fausse. Je suis fâché qu'on vous ait dérangé. » Le marquis, au commissaire. « Comment ? Sa déclaration était fausse ? Mais ne vous ai-je pas prié, monsieur, de laisser ce nom de Faublas sur votre procès-verbal ? » Tout bas, au chevalier. « Vous ne sentez donc pas les conséquences de cela, vous ? Si une fois ce commissaire écrit votre véritable nom, il enverra chercher votre véritable père, et cela fera une scène. Priez ce monsieur de Faublas de vous laisser son nom, cela finira tout. » Le chevalier de Faublas au marquis. « Je n'ose. » Le marquis. « Je vais le lui dire, moi. » Au baron. « Dites qu'il est votre fils. » Cependant, le baron, stupéfait de tout ce qu'il voyait, regardait tour à tour le commissaire, le marquis et moi. « Monsieur. » répondit-il enfin au juge attentif. « Vos soins ne sont pas perdus, ma peine n'est pas inutile. Dans l'état où je vois ce jeune homme, je devrais peut-être le méconnaître. Mais le lieu même où je le trouve sollicite mon indulgence pour lui. Je le connais sensible et fier. S'il a fait quelques sottises, un interrogatoire ici l'en a sans doute assez puni. Monsieur, ce jeune homme vous a dit son véritable nom. » Le marquis au baron. « Bien, très bien. » Le commissaire. « Mais je n'entends plus rien à cela. Je vais envoyer chercher ce monsieur du portail. » Le baron, avec fierté, au commissaire. « Monsieur, quand je dis qu'il est mon fils. » Le marquis, au baron, en le tirant par son habit. « À merveille. » Au chevalier. « Il joue son rôle à merveille. » Le chevalier, au marquis. « Oh, le baron est un homme d'esprit, et puis il a de grands torts à réparer envers nous. » Le commissaire, au baron. « Monsieur, tout cela est fort bien, mais il y a une plainte. » Le marquis crie de toutes ses forces. « Je m'en désiste !» Le commissaire au marquis. « Cela ne suffit pas, monsieur. L'affaire est d'une nature. Le ministère public est intéressé. » Le baron, avec violence. « Le ministère public intéressé ? De quoi s'agit-il donc ?» Le marquis. « Bah, d'une misère, une intrigue d'amoureux. » Le commissaire. « Une intrigue d'amoureux. » Le marquis au commissaire. « Eh oui, monsieur, une aventure galante. » Au baron. « Ce n'est pas autre chose qu'une aventure galante, je vous le certifie, moi. » Le commissaire au marquis. « Monsieur, il y a eu une fausse déclaration, effraction, sévice, séduction. » le baron, avec le plus grand emportement. « Cela n'est pas possible. Qui dit cela? Qui ose attaquer l'honneur de mon fils et de ma maison ?» Le marquis au chevalier. « Ah, mais comme il joue donc son rôle! Cela n'est pas concevable !» Au père. « Allez, monsieur, tranquillisez-vous. Il ne s'agit que d'un rendez-vous galant. Monsieur, votre fils a couché avec une des femmes de ma maison, et pour se sauver, il a rossé l'un de mes laquais, voilà tout. » Le baron au commissaire. « Monsieur, vous savez mon nom, ma demeure. Vous trouverez bon que j'emmène mon fils, en vous répondant de lui. » Le marquis. « Oui, et moi aussi j'en réponds. » Au chevalier. « Ah, c'est qu'il ne faut pas perdre la tête. » Le commissaire. « Messieurs, vous serez tenus de le représenter en temps et à lieu, même par corps. » Le baron. « Ah, même par corps. » Le marquis. « Oui, par corps, par corps. Allons-nous-en. » Nous sortîmes tous trois. « Ah, monsieur, » dit alors le marquis à son père. « Ah, monsieur, » dit alors le marquis à mon père. « Ah, monsieur, comme vous jouez la comédie, que de naturel, que de vérité. Vous donneriez des leçons à ceux qui s'en mêlent. » Il s'adressa à moi. « L'avez-vous entendu quand il s'est écrié ? Qui ose ainsi attaquer l'honneur de mon fils ? De son fils ? Il me l'aurait persuadé à moi-même. Qui sait bien ce qu'il en est ?» Tandis que le marquis parlait, le baron le regardait d'un air qui m'aurait beaucoup amusé, si je n'avais pas connu l'extrême vivacité de mon père. Je tremblais que les bizarres compliments de M. de B. l'accablaient, n'échauffassent sa bile. Il se contint. Sa voiture l'attendait à la porte. « Point de façon, me dit-il, montez le premier. » Le marquis voulut me retenir. « Eh bien, continua le baron, allez-vous causer dans la rue? Fais comme vous êtes. » Je m'élançai dans le carrosse. Le baron s'y plaça près de moi. Nous saluâmes poliment le marquis, mais nous le laissâmes retourner chez lui à pied. Mon père dit alors, « Pourquoi voulez-vous absolument passer des nuits hors de l'hôtel? Les journées ne sont-elles pas assez longues? Voyez à quel danger vous expose votre indocilité. » Adélaïde, M. du Portail, vous et moi, nous sommes invités pour demain à dîner chez M. le duc de X à l'entrée du boulevard Saint-Honoré. Si le temps change, s'il fait beau, nous partirons de bonne heure. Vous ferez tous trois un tour de promenade dans les Tuileries. Moi, je monterai un instant au château. J'ai à parler à M. de Saint-Luc qui y loge. N'oubliez pas cela, je vous prie, et soyez près de bonne heure. Justine était chez moi quand j'y arrivais. La marquise avait ressenti de mortelles inquiétudes en apprenant qu'un voleur caché dans la chambre de Justine avait été arrêté et conduit chez un commissaire où M. de B. s'était aussitôt transporté. Elle avait chargé sa femme de chambre, non moins tremblante, de courir chez moi, d'y attendre mon retour et de me prier de l'instruire exactement de tous les détails d'une rencontre dont les suites pouvaient être sérieuses. Justine pleura quand elle sut que je l'avais sacrifiée pour sauver sa maîtresse. « Je sens bien, me dit-elle, que cela ne se pouvait faire autrement. Mais monsieur va dire qu'il faut qu'on me chasse, et madame, déjà fâchée contre moi, saisira peut-être avec plaisir cette occasion de me renvoyer. » Je consolai la pauvre fille en l'assurant que je lui trouverais une place et que, dans tous les cas, je ne l'abandonnerais pas. Dès que Justine fut partie, je changeai d'habit, je me débarbouillai, et je courus chez Rosembert, à qui je racontai les joyeux accidents de la nuit passée. Je lui dis ensuite que s'il voulait voir Adélaïde, il se trouverait le lendemain aux Tuileries, dans l'allée qu'on appelle l'allée du printemps. Le comte me promit qu'il y serait avant midi. Dans l'après-dîner, je reçus une visite d'Erneval, qui m'annonça que la nuit du lendemain nous verrait au couvent, quelque temps qu'il fît. « Mon cher Faublas, ajouta-t-il, nous allons nous séparer. » Comment ? Les affaires qui me retenaient ici sont terminées. Tout est préparé pour la grande entreprise que je médite depuis plusieurs mois. Dans la nuit de demain, j'enlève Dorothée. Ah, d'Erneval, et comment verrai-je ma Sophie quand vous nous aurez abandonnés ? N'avez-vous pas votre pavillon ? Mais la grille du jardin ? Vraiment, vous avez raison, je n'y songeais pas. D'Erneval, pourriez-vous livrer au désespoir votre ami et l'ami de votre amante ? Non, chevalier, non. Je parlerai à Dorothée. Nous ne partirons pas que vous n'ayez une clé de la grille. Croyez que, s'il le faut, je différerai d'un jour l'exécution de mes projets. D'Erneval me laissa livrer à des réflexions cruelles qui m'agitèrent toute la soirée. Il y eut encore cette nuit un brouillard épais qui tomba au lever du soleil. Le baron, plutôt éveillé qu'à l'ordinaire, trouva que le temps était humide et froid. Il ne savait s'il irait chercher Adélaïde. Il craignait que sa chère fille ne s'enrhumât. J'observai à mon père que le soleil allait échauffer l'air et qu'aucune journée de l'automne ne serait plus belle. Monsieur de Portail, qui arriva sur les 10 heures, fut de mon avis. Nous allâmes tous trois chercher ma sœur au couvent, et bientôt nous descendîmes aux Tuileries. Le baron ordonna à ses gens d'aller nous attendre au pont tournant. « Je monte, nous dit-il, chez monsieur de Saint-Luc, promenez-vous. »« Dans l'allée du printemps, mon père ?»« Oui, je suis à vous tout à l'heure. » Nous fîmes plusieurs tours d'allée. Rosambert parut enfin. Il remercia le hasard qui lui procurait une aussi heureuse rencontre. Il fit à Adélaïde tous les compliments qu'elle méritait, et pendant un quart d'heure, il s'occupa tellement de la sœur que le frère était oublié. Cependant, je faisais 1000 efforts pour m'assurer son attention. Impatient de le consulter sur les malheurs nouveaux qui menaçaient mes amours, je le pris par le bras et le priai de m'accorder un moment. Il daigna enfin m'entendre, nous doublâmes le pas sans nous en apercevoir. Ma sœur, qui ne pouvait régler sa marche sur la nôtre, resta derrière, accompagnée seulement de monsieur du Portail. Nous ne songeâmes à revenir sur nos pas que quand nous fûmes au bout de l'allée. En nous retournant, nous vîmes Adélaïde fort loin de nous, au milieu de 3 hommes. Nous nous hâtâmes d'approcher. À quelque distance, nous reconnûmes, dans les 2 nouveaux venus, mon père et monsieur de B. Ils se parlaient avec chaleur. « Courons vite, » me dit Rosambert. « Il se fait là-haut quelque quiproquo. » Au moment où nous arrivâmes, le marquis disait à mon père, « De quoi vous mêlez-vous, monsieur ?» Le baron de Faublas. « De quoi je me mêle ? Connaissez-vous celle que vous insultez ?» Le marquis. « Si je connais mademoiselle du Portail ?» Le baron, avec emportement. « Ce n'est pas mademoiselle du Portail, monsieur, c'est ma fille. Monsieur du Portail n'a pas d'enfant. » Le marquis, très vivement. « Monsieur du Portail n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce donc qui a couché avec ma femme ?» Le baron. « Que m'importe ?» Le marquis. « Il n'importe à moi, et je sais bien que c'est mademoiselle du Portail que voilà. » En montrant ma sœur. « Elle est un peu changée par la raison que je disais tout à l'heure. » Le baron, furieux. « Par la raison que vous disiez tout à l'heure. Vous osez répéter. Morbleu, monsieur, mettez un habit d'Amazone à cet étourdi. » En montrant le chevalier de Faublas. « Et la demoiselle du Portail que vous avez vue, vous la verrez encore. » Le marquis, regardant le chevalier d'un air stupéfait. « Se pourrait-il ? » Le chevalier de Faublas s'approche du baron. « De grâce, mon père !» Le marquis, regardant toujours le chevalier, « Son père ?» Le baron, lançant un regard terrible au fils, « Taisez-vous, monsieur. Savez-vous ce qu'on dit à votre sœur ? J'arrive au moment où on la félicite de ce qu'elle est accouchée avant terme et de ce qu'il n'y paraît guère. Morbleu, déguisez-vous en femme, attrapez les sceaux, mais ne compromettez pas votre sœur. » Le marquis regarde le chevalier avec la plus grande attention. Plus je l'examine, il lui fait un geste menaçant et court à monsieur du Portail. « Si tu n'es pas un lâche, réponds-moi. » Montrant Adélaïde, « Cette demoiselle est-elle ta fille ?» En montrant le chevalier, « Est-ce ce jeune homme que j'ai vu chez moi en habit d'Amazone ?» Monsieur du Portail, avec le plus grand sang-froid, « Monsieur, vous ne savez pas que ma naissance est au moins égale à la vôtre, mais je suis trop heureux de conserver sur vous quelque avantage. » Je me souviendrai des égards que se doivent encore des gentilshommes quand ils deviennent ennemis. Quant à vos questions, je voudrais bien n'être pas obligé d'y répondre. Marquis, cette demoiselle n'est pas ma fille, c'est ce jeune homme que vous avez vu chez moi en habit d'Amazone. » Monsieur de B. garda quelque temps un morne silence. Il vint à moi, il prit ma main, qu'il serra fortement. D'un coup d'œil, je lui fis comprendre que je l'entendais. « Tu m'as indignement joué, » me dit le marquis en baissant la voix. « Demain, à 5 heures du matin, trouve-toi à la porte Maillot. Je n'ai pas à me plaindre de ton père, mais Duportail et Rosambert sont tes complices. Dis-leur que j'amènerai 2 de mes parents pour les punir. Adieu, tu verras si je sais me venger. » À ces mots, il s'éloigna. Nous étions environnés d'une foule de gens que le bruit de notre querelle avait attirés. Adélaïde, étonnée et tremblante, se soutenait à peine. Nous gagnâmes, aussi vite que sa faiblesse put nous le permettre, le pont tournant où 2 voitures nous attendaient. Le baron monta dans la nôtre avec ma sœur. Rosambert nous reçut, monsieur de Portail et moi, dans la sienne. Et pour échapper à la foule qui nous suivait, les cochers eurent ordre de nous mener ventre à terre et de ne regagner l'hôtel du baron qu'après avoir fait de longs détours. Monsieur du Portail nous dit alors « Messieurs, pourquoi faut-il que vous nous ayez quittés? Vous étiez à peine à 30 pas quand Monsieur de B. nous a abordés. Il m'a accablé de politesse et a fait 1000 questions à mademoiselle votre sœur, qui ne savait que répondre. Je vous assure que moi-même, je comprenais peu de choses au discours qu'il lui tenait. J'espérais que vous alliez revenir et m'aider à sortir de l'embarras dans lequel je me trouvais. Monsieur de B., qui déjà m'avait félicité 20 fois du retour de ma fille et de la bonne santé dont elle paraissait jouir, Monsieur de B. s'est adressé à mademoiselle votre sœur. « D'honneur, mademoiselle, vous vous portez fort bien. Je vous trouve peu changé. » Ici, le marquis a baissé la voix, mais comme je n'étais pas sans inquiétude, j'ai prêté l'oreille. « Cela est étonnant, » a-t-il dit, « car si je calcule bien, vous êtes accouché avant terme. » Mademoiselle de Faublas a fait un cri. Je me suis écrié avec indignation. « Accouché avant terme? Monsieur, vous osez ?» Malheureusement, le baron était déjà derrière nous. Tout à coup, il s'est jeté entre sa fille et le marquis, et d'un ton furieux, il a dit à celui-ci « Qu'appelez-vous accoucher avant terme? Vous me ferez raison de cet insolent propos. » « Messieurs, vous savez à peu près le reste, et cette cruelle scène, » ajouta Monsieur du Portail en me regardant, « aura sans doute des suites fâcheuses. »« Oui, monsieur, oui, sans doute, elle en aura. Demain, à 5 heures du matin, Monsieur de B., accompagné de 2 de ses parents, nous attendra tous 3 à la porte Maillot. » « Encore un duel? Encore du sang ?» s'écria Rosambert. « Voyez, Faublas, me dit Monsieur du Portail, voyez quels sont les fruits d'une passion criminelle. Ah, monsieur, je suis plus à plaindre que vous. Je me bats avec le marquis à qui j'ai fait tout le mal possible. » « Il est fort singulier, interrompit Rosambert, que dans cette affaire-ci, je soutienne votre querelle. Il est fort singulier que je me batte pour vous, parce que vous m'avez soufflé ma maîtresse. Mais, messieurs, trêve de réflexion, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de temps à perdre. Demain, à 6 heures du matin, si nous ne sommes pas morts, il faudra que nous sortions du royaume. Où nous retirons-nous ? Je répondis vivement. En Allemagne. Oui, en Allemagne, si vous le voulez bien, nous dit Monsieur du Portail. En Allemagne, soit, répliqua le comte.